Maman à la foire. Maman et les enfants vont à la foire. Maman achète de la barbe à papa. Elle achète aussi un gros canard. Maman voit la grande roue. Je veux y aller, dit-elle. Nous n'y allons pas, disent les enfants. Maman s'assoit, la grande roue monte et monte encore. Je vous vois, crie maman. Vous ressemblez à des fourmis. La roue se met à descendre. Oh, dit maman. La roue remonte. Oh, dit maman. Maman laisse tomber la barbe à papa. La roue redescend. Oh, dit maman. La roue remonte encore. Oh, dit maman. Maman laisse tomber le canard. La grande roue s'arrête. Maman est verte. Allons à la maison, disent les enfants. Mais où sont mes choses, dit maman. Regarde, disent les enfants. Oups, dit maman. Allons vite à la maison.